Et bonjour, vous êtes sur Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 396 qui commence maintenant. Et voilà, donc le morceau qui vient d'entamer l'émission s'appelle The New Wimp Killer. Il est signé Elephant Trifle, très énervé trio de Reno et Nevada. C'est tiré de leur second album depuis 2018. L'album s'appelle Broken Water et c'est de la noise avec une basse très saturée, bien mise en avant, un chant rageur, un peu borderline, mais aussi des instrus et des tentatives plus mélodiques, comme un morceau avec un chant mixte et une invitée, Jane Archard, ou un très long morceau de 10 minutes, presque psyché, en fin d'album. C'est sorti chez Learning Curve Records, et c'est un chouette album de noise. Sinon, au programme de cette émission, on aura une petite séquence rock, une petite séquence techno, une séquence, on va dire, plus rock, expérimental, lofi. Beaucoup de pop, avec Nico qui a emprunté beaucoup de pop, et notamment d'un premier album de la semaine, Youth Lagoon, excellent. Et puis on terminera par un peu de folk et des choses planantes pour terminer. On poursuit donc avec la séquence rock qui démarre avec Sugartooth, donc vieux trio californien mené par Josh Bloom à la basse et Mark Utner au chant. Donc c'est un trio qui avait arrêté d'exercer en 97 avec l'album Sons of Solid, c'était leur second album, et qui près de 26 ans plus tard donc reviennent avec un album qui est toujours dans le heavy rock et le stoner, très efficace, capable également de quelques ballades. À la production, il y a Alain Joannes, producteur des Queen of the Stone Age. Il y a une basse lourde et entêtante, des refrains accrocheurs. L'album s'appelle Volume 3, justement, puisque c'est le troisième. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Sing On, et c'est une autoproduction. Donc, Sugartooth, c'est parti. Wake up your sons, have them raise up all their guns. Resist the need for inhalation. Don't let them in, 'cause your lungs cannot begin to overcome the force of suffocation. Doesn't matter what the bombs bring, a singer, never waking, what's strong, Voilà, à l'instant, vous avez pu écouter l'excellent morceau Zilote, tiré de Shudder, 7e album en date depuis 2008, du trio rock américain The Tunnel. Donc, un trio à forte connotation, John Spencer, Blues Explosion, Gun Club ou encore Birthday Party, voire The Cramps parfois. On est entre blues rock, swan rock et noise et c'est un très bel album dans le genre. On poursuit avec une séquence un petit peu techno, un peu sombre. On commence avec Dina Abdelwaled, qui a sorti cette année son 4e album depuis 2007. L'album s'appelle Jibal Ersas. Donc c'est un album qui met le techno et sonorité un petit peu arabisante dans un climat vraiment très très sombre et tendu. C'est sorti chez Infine. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Complain. C'est vraiment intéressant. قررت المنكوبة نفسي إبلاغ من هيمن الأمر بأن صاحب السمو مخي غير كاهن بواقع المر فتارة يقلل من شخصي وأخرى يمجد بالغير استحالة يسامح أغلاطي وكأنها مستمرة من قبل فكيف لإسفنجة أن تدرك بالشؤون وتحاسب ووجداني باقي أصم تاعب من مجتمع بارد فيا صاحب الجلال الحيوي دعني أداعب الحياة ولا تقيم علي وحدي meaning. Well, I make of this. Graceful under the weight of it. Voilà, juste après Dina Abdelwaled, on est resté à la techno avec un extrait de la première collaboration entre le Nantais Maelstrom et l'Américaine Louisa. Donc ça s'appelle Maelstrom et Louisa. L'album s'appelle Sustained Resistance. Voilà, donc c'est un album entre deux personnes qui se sont connues il y a 10 ans sous le label Bromance, géré par Brodinski, et qui sont partis créer leur propre label une fois que Bromance s'est plutôt occupé de rap et de trap. Et sur ce label rare, donc, ils suivaient des chemins séparés, elle avec des motifs électropunk, voire darkwave, lui avec de l'IDM rythmique et onirique. Et ensemble, sur cette collaboration, ils proposent plutôt une techno-punk assez sombre, assez claustrophobe, plutôt dansante aussi. Voilà, c'est une très belle collaboration et une des choses les plus intéressantes en électronique cette année. On poursuit avec un petit peu de rock expérimental et on commence avec les mythiques Père Ubu, donc le projet du génial David Thomas, son 18e album depuis 1978. Voilà, donc comme d'habitude, c'est un rock expérimental qui navigue entre Swans et Daniel Johnston, notamment pour le Sean et Norton, je trouve. L'album s'appelle Trouble on Big Beat Street et le morceau qu'on va écouter s'appelle Crocodile Smile. Donc, Père Ubu, c'est parti! From the jaws of... victory. I will seize eternity. Gonna seem like forever. Like a crocodile, smile. Ooh. Like a crocodile, I'll smile. Maybe like an alligator, gator. I'll see you later. Like an alligator, I'll see you later. Side of eternity, like a crocodile, I will it's a wide open door in the future. Voilà, juste après Père Ubu, on est resté dans le vieux rock lofi avec un extrait de Jump Into Love, le 21e album en date de Half Japanese. Donc le groupe mené par Jad and David Fair, entre Art Punk XP et Lofi. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Step Inside, et comme d'habitude, voilà, c'est singulier, inventif, délirant, et c'est sorti chez Fire Records. Voilà, salut Nico. Salut Fabrice, on part du côté de Paris maintenant. Avec le troisième album de Manolo Redondo qui s'appelle Damn Gonna Break, il vient de le sortir. Toujours entre pop rock et indie folk, et on va s'écouter un extrait qui s'appelle Get Out, Manolo Redondo. La rivière en était. jamais eu la rivière ou la guerre, ni besoin d'assurer ses arrières. À l'instant, c'était les Montpelliérains de My Favorite Horses, extrait de leur premier album, enfin leur premier album, qui va sortir le 26 janvier prochain en numérique. Et il y aura aussi une édition vinyle à tirage limité à 100 exemplaires. On n'avait pas eu de nouvelles depuis eux, depuis 2019, avec leur EP Funkhauser. Donc cet album, il s'appelle Michael, et on s'est écouté leur premier single, La Rivière en été. Maintenant, on repart du côté de Paris avec Bleuren. Bleuren, c'est Léa Lotz qui signe un peu tous les textes, musique et arrangements, mais aussi on la retrouve au chant, chœur, guitare, basse, clavier, même batterie, sur son premier album qui s'appelle La Saison Fantôme. Ça vient de sortir chez Sanit Mills Records. Voilà, une musique entre folk, shoegaze, gothique, un peu dream pop. Ça me fait penser à Chelsea Wolf, mais là c'est en français, et on va s'écouter un extrait qui s'appelle Un visage sur un nom, Bleuren. Un visage sur un nom. shine since my bed. Nothing more than you or nothing more than us. Sitting in a leather rat sofa, useless living beings in a leather rat sofa. About life, and we're asking weird questions with a glass of wine or a cup of tea. And we look into each other as if we knew our lessons. Did you made from bones, from blood and flesh? Take part in a big movie scene. We don't know yet, we suppose, but maybe wrong from me to say. Premier EP en 2020, la Toulousaine Ika va sortir son premier album, The Haunted Lemon, le 19 janvier prochain. On vient d'écouter le premier single, Useless, et elle sera pour fêter ça la veille au Métronome le 18 janvier, dans le cadre des pépites du Métronome. Il y aura aussi I Me Mine. Voilà, un album entre folk, rock, pop et blues, un album qui est aussi entre moments calmes. Et comme ce morceau qu'on vient de s'écouter, et déflagration sonore, un peu comme si Björk avait rencontré Janis Joplin. Voilà, tout un programme, un très bel album. La suite. La suite, c'est notre premier album de la semaine. Il s'appelle Even Is a Junkyard et il est signé Yuslagon. C'est son quatrième album depuis 2011. Yuslagon, c'est le projet solo d'un certain Trevor Powers qui nous vient de Boys dans l'Ohio. Il n'avait rien sorti depuis sous ce nom-là depuis Savage Hills Ballroom en 2015. Mais il avait sorti sous son propre nom deux albums beaucoup plus électroniques et industriels que ce qu'on va écouter. Ce qu'on va écouter, c'est entre Dream Pop et Pop de Chambre. C'est très apaisé et intimiste. C'est dominé par le piano et le synthé. Et il y a une voix fragile mais émouvante. Voix qu'il a failli perdre justement hein. En 2015, hein, suite à une mauvaise médicamentation, on va dire. Et voilà, on est très content de ce retour. On va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Rabbit. On le fera suivre du morceau qui s'appelle Mercury. Yuslagon, c'est parti. Saw real life

survive. Draw the drapes while you shield your eyes and bury in blue. Block out the shine, it was still melted up into mine. Does heaven glow? Does heaven glow? Glow like mercury? Présente pas Youth Flagon. Je pensais que tu allais présenter. J'ai présenté déjà. De nouveau le titre. Youth Flagon, donc c'était le titre Mercury, oui. Oh, voilà, le second titre, donc. Oui, l'album de la semaine. Titre, premier album de la semaine. Allez, petit changement d'ambiance, quoique. Il y a un petit côté un peu fantomatique comme sur Youth Flagon. C'est Chloé Lang. Chloé Lang, après un album concept sur les chansons de Barbara, Janis Joplin va sortir son premier EP de chansons originelles. Et original, on va dire, ça va sortir ça le 26 janvier 2024. Et on connaît un album qui a été réalisé, un EP qui a été réalisé par Michael Wookie, qu'on connaît bien ici. Et il y a quelques mois, elle avait déjà sorti un premier single qui s'appelle Aimez-moi, c'est Chloé Lang. Se dégonfle jamais. Aimez-moi sans arrêt. Chalala. Chalala. So fast, so we fell into boo-boo-bee. Fa-da-doui, fa-da-doui. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Le consente, l'expérimente. Aimez-moi, percez-moi comme un couteau, comme un radeau dans votre dos, comme un vélo. Aimez-moi sans y penser. Vraiment mourir, c'est sûr. Aimez-moi comme ça, en crier, je guitare, des petits bouts de pop son, dictaphone et guitare. Les heures secondes à faire des bouts de machin, des images qui se répondent d'un accord qui va bien. Brouillon balourd que je déchire, oui mais tout ça c'est pour gagner ton sourire. C'était Gagner ton sourire de Antoine Saler, extrait de son troisième album qui s'appelle Le Hasard, qui sortira le 19 janvier. Antoine Saler, on le connaît surtout comme pianiste de l'ex des chiens François Morel, mais il est aussi auteur-compositeur, boss de label, le label Le Furieux. Et sur ce troisième album qu'il a, il a co-réalisé avec David Chalmin. David Chalmin, on le connaît aussi comme producteur des albums de The National, Shannon Wright, Matt Elliott. Il travaille aussi avec les sœurs Labeck. Donc voilà, un bel album en perspective qui sortira donc le 19 janvier prochain, les seconds albums de la semaine. Second album de la semaine qui nous vient des États-Unis donc, et qui est signé du grand Sufjan Stevens, un des plus importants songwriters du début des années 2000 dans les genres pop et folk. Donc c'est son dixième album là depuis 2000 justement, l'album s'appelle Javelin. Une année 2023 extrêmement productive également, puisqu'il a sorti cette année avec Timo Andreas et Conor Harik une très belle collaboration. C'est sorti sur son propre label, Asthmatic Kitty Records, et comme d'habitude, c'est très riche en arrangements. Il y a un arrangement de flûte, séquenceur, de boîte à rythme, c'est assez luxuriant. C'est très choral et lumineux, c'est plein de joie et d'amour de la vie, ce qui, compte tenu des circonstances et des derniers mois de cet auteur, est un coup de force, puisqu'il sort d'une rémission d'une terrible maladie, le syndrome de Guillain-Barré, qu'il avait laissé quasiment paralysé pendant plus d'un an. Et il a également récemment perdu son compagnon, qui se disque est dédié. Voilà, mais tout ça n'a pas affecté sa joie de vivre, et c'est de la transmettre, cet apaisement, cette douceur dans cet album. On va écouter deux extraits. Le premier s'appelle Goodbye Evergreen, c'est le morceau qui ouvre l'album, et on le fera suivre du mot morceau Everything That Rise. Donc Sufjan Stevens, c'est parti. Goodbye Evergreen, you know I love. But everything heaven sent must burn out in I promised you, just as you were in my dream. Now let me off easy, and I'll slip down through the drain to release my scattered brain. My enemy, something just isn't right. I cut from the what you will. I grow like a cancer. I'm pressed out in the rain. Deliver me from the poison pain. Before I go insane. Everything That Rise, donc second extrait de notre second album de la semaine, le Javelin de Sufjan Stevens, un des très beaux albums de l'année, je pense. Ouais, et on va continuer dans le bel folk avec Or. Or, elle est architecte, elle nous vient de Paris et elle vient de sortir son premier EP qui s'appelle A Few Notes, sorti sur un label belge Mayway Records. On retrouve 6 titres, folk en espagnol, en anglais et en français, et on va s'écouter le titre Suddenly, c'est Or. Suddenly the night ends, suddenly the day comes, suddenly the night ends, I feel quiet again. I go back to the fields and back to the fields, I go back to the nature like I go back to the fields and I feel quiet again. Suddenly the night ends, suddenly relief came, suddenly the fight ends, I found calm at last, staring at the hills, oh, steady hills, my mind, it was. To the fields and the way.

D'où vient Dear Paula? Dear Paula, on l'avait connue en 2015 avec un premier EP qui s'appelait Camos. Elle revient enfin avec un autre EP qui s'appelle Ma part du ciel. Un titre un peu énigmatique puisqu'elle ne chante, c'est un titre en français alors qu'elle ne chante qu'en anglais. Et on vient de s'écouter le morceau Naïve et c'est toujours aussi beau. Allez écouter ça, donc Dear Paula et l'EP s'appelle Ma part du ciel. C'est déjà la fin de l'émission. Prochaine émission, c'est le 2 janvier, c'est ça Fabrice? Oui, c'est ça. D'ici là, passez de joyeuses fêtes. Et pour terminer l'émission, on va écouter Sable Noir avec le morceau Nouvelle Aube, extrait de leur EP Cette Nuit. Sable Noir, en deux mots, c'est David Rodrochi au saxophone, qu'on connaît dans le groupe Initiative H, et Romain Barbeau de SAD au synthétiseur modulaire et analogique et aux effets. Donc Sable Noir, Nouvelle Aube. Ciao, bis. Voilà. Excellente fête, à l'année prochaine.